Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashahadu an la ilaha illallah. Iqraran bihi wa tawhida. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Donc on continue إن شاء الله تعالى l'explication des paraboles du Coran. Donc hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu une parabole. Et aujourd'hui, nous allons continuer donc sur notre lancée. Donc parmi les paraboles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans le Coran, il y a celle du verset 116 et 117 de Sourate Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Inna alladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la awladuhum min Allah shay'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى dit dans la traduction rapprochée de ce verset: quant à ceux qui auront mécru, ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur épargneront le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ceux qui sont voués à l'enfer, où ils demeureront éternellement. Ce qu'ils dépensent en ce bas monde est semblable à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont fait du tort à eux-mêmes et le détruit. Allah n'a pas été injuste envers eux, mais ils se sont fait tort à eux-mêmes. Donc dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que les mécréants, ni leurs biens, ni leurs enfants pourront les sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit dans la traduction rapprochée: quant à ceux qui ont mécru. Donc comme vous le savez, la mécréance est de deux types. On a la mécréance majeure et la mécréance mineure. Concernant la mécréance majeure, c'est celle qui fait sortir de l'islam. C'est cette mécréance, par exemple, qui est visée dans le verset 6 de Sourate Al-Bayyina, la preuve manifeste. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon traduction rapprochée, les mécréants parmi les gens du livre et les polythéistes demeureront pour l'éternité dans le feu de la Géhenne. Ils sont les pires êtres de la création. Et concernant la mécréance mineure, c'est celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc la mécréance mineure, c'est celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Et c'est cette mécréance qui est visée par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'insulte envers le musulman est une corruption et son combat est de la mécréance. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc ici, la mécréance qui est visée dans ce hadith, c'est la mécréance mineure. Donc si on revient au verset et à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la traduction rapprochée, ceux-ci, ou plutôt ceux qui ont mécru, donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quant à ceux qui auront mécru, ce qui est voulu ici, c'est la mécréance majeure. Car à la fin du même verset, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ? Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Voilà ceux qui sont voués à l'enfer où ils demeureront éternellement. Et donc, comme vous le savez, celui qui demeure dans le feu éternellement, c'est soit celui qui est mort sur de la mécréance majeure ou bien du polythéisme, ou bien du polythéisme majeur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, selon la traduction rapprochée, ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur épargneront le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. La question qui se pose ici, c'est pourquoi les biens et les enfants ont été mentionnés précisément. Alors qu'on sait que les mécréants possèdent de nombreuses choses. Ils possèdent par exemple la santé, certains d'entre eux possèdent l'intelligence et beaucoup d'autres choses. Donc pourquoi ici dans ce verset, il est mentionné les biens et les enfants précisément? Donc Cheikh Al-Uthaymeen, alayhi rahmatullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc en réponse de cette question, il explique que la personne, lorsqu'elle veut sortir d'une situation difficile, elle donne ses biens en rançon. Par exemple, lorsqu'une personne elle est prise en otage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne de ses biens en rançon. Et concernant les enfants, le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, il explique que ce sont eux qui défendent leurs parents. Donc les deux ont été mentionnés, c'est-à-dire les biens et les enfants, ont été mentionnés pour montrer que les mécréants, d'accord, ils n'auront ni rançon, ni protecteur. Ni rançon, ni protecteur. Donc ça, c'est ce que Cheikh Al-Uthaymeen, alayhi rahmatullah, il a mentionné comme explication. Et certains, parmi les gens de science, ont mentionné que les biens et les enfants ont été cités, car en général, c'est souvent les deux sources de vantardise. Chez la personne. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 35 de sourate Saba, وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils disent, nous avons davantage de richesses et d'enfants, et nous ne serons pas châtiés. Sourate Saba, verset 35. Donc ensuite, quand on revient à la parabole, Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, après avoir mentionné cela, elle dit, selon la traduction rapprochée, « Voilà ceux qui sont voués à l'enfer, où ils demeureront éternellement. » Donc les mécréants demeureront éternellement en enfer. Ils ne sortiront pas, les mécréants ne sortiront pas de l'enfer. Ils ne sortiront jamais de l'enfer. « Wal'iyadhu billah » Et les mécréants vont même vouloir qu'Allah subhanahu wa ta'ala les achète. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que les mécréants vont même vouloir qu'Allah subhanahu wa ta'ala les achève. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 74 de sourate, l'ornement sourate Zukhruf, إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée de ce verset: quant à ceux qui se rendent coupables de mécréance, ils subiront éternellement le châtiment de l'enfer, qui ne sera jamais allégé, et ils seront plongés dans le désespoir. Nous ne les avons aucunement lésés, mais ce sont eux qui se sont fait tort à eux-mêmes. S'adressant aux gardiens de l'enfer, ils crieront au Malik: que ton Seigneur nous achève. Il leur répondra: vous y demeurerez éternellement. Donc ici on voit dans ce verset que les mécréants demeureront éternellement dans l'enfer, et aussi que les mécréants voudront l'achèvement, mais ce n'est pas une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur accorder. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que ceux qui dépensent, ou plutôt ceux que dépensent les mécréants dans ce bas monde, est semblable à un vent glacial qui s'abat sur un champ. Et ce vent glacial s'abat sur ce champ alors que c'était le moment de cueillir les fruits qui se trouvent dans le champ. Donc ce vent glacial détruit l'ensemble du champ et tout ce qu'il y contient comme fruits et plantations. Donc le champ est détruit totalement et il n'y a plus aucun profit, tout comme les mécréants à qui Allah subhanahu wa ta'ala anéantit les œuvres à cause de leur mécréance. À cause de leur mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à la fin de cette parabole, après avoir mentionné la destruction de ce champ, il dit: Allah n'a pas été injuste envers eux, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. C'est-à-dire que la destruction du champ est due à l'injustice du propriétaire, tout comme l'anéantissement des œuvres des mécréants est dû à leur mécréance. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala à qui nous demandons le secours. Donc dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que l'action des mécréants est vaine. Quoi qu'il arrive, l'adoration ou l'action du mécréant est vaine et elle ne lui sera d'aucun profit. Donc on tire de cette parabole plusieurs enseignements. Le premier enseignement: ni les biens et ni les enfants peuvent repousser le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne ne doit pas laisser ses biens ou ses enfants le détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car souvent on remarque que ces deux bienfaits, donc qui sont les enfants et les biens, détournent la personne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant les enfants, certains ont tendance à faire devancer les enfants à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont prêts, par exemple, à braver l'interdit. Sous quel prétexte ? Sous prétexte, comme ils disent, que l'enfant doit s'épanouir. Et je tiens ici à rappeler deux points essentiels concernant ce sujet. Le premier point essentiel c'est que l'épanouissement des enfants se trouve dans l'application de la religion. Il faut que la religion soit prioritaire et les choses mondaines secondaires. Il faut aussi que les choses mondaines soient rattachées à la religion. C'est-à-dire qu'avant de faire une chose ou prendre une décision pour son enfant, il faut regarder si cette chose est légiférée ou pas. Il faut regarder donc si cette chose qu'on veut faire, ce choix qu'on veut faire pour notre enfant, si ceci est légiféré ou non. Car les choix des parents ont un impact crucial sur le futur de leurs enfants. Et quel bon exemple nous avons dans la mère du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Donc Sulaym, qui est la mère de Anas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, alors que Anas était encore un enfant. Sulaym, qu'Allah l'agrée, amena donc son fils Anas auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: voici Anas, il va te servir, il va te servir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cela. Et Anas ibn Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il viva avec lui. Il apprit beaucoup du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il eut un grand mérite, Anas ibn Malik, jusqu'à ce que Abu Huraira, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, comme il est mentionné dans les hadiths authentiques, Abu Huraira a dit: Je n'ai pas vu une personne dont la prière ressemblait plus à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est pas le fils de Sulaym, c'est-à-dire Anas ibn Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Donc regardez le choix de Sulaym radiallahu anha, quel impact cela a eu sur le moustaqbal, c'est-à-dire le futur de Anas ibn Malik. Et c'est comme ça que le parent, s'il prend des mauvaises décisions ou prend des mauvais choix concernant son enfant, ceci va avoir un impact direct sur le futur de cet enfant. Le deuxième point essentiel qu'il est très important de mentionner, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. Comme l'ont mentionné les savants de la Sunna, c'est-à-dire que si tu as un but ou un objectif, pour arriver à ce but ou cet objectif, tu dois utiliser des moyens qui sont légiférés. Tu dois utiliser des moyens qui sont légiférés. Car souvent, les parents ont des objectifs pour leurs enfants. Sauf que certains d'entre eux, à part ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, souvent certains d'entre eux, pour y arriver, ils utilisent des moyens qui ne sont pas légiférés. Et ceci est interdit. Et quelqu'un pourrait me dire: mais comment cela est possible que c'est interdit? Alors que mon but, alors que mon intention, alors que mon objectif est bon. Et la réponse à cette question est dans le Coran. Elle est dans le Coran et elle se trouve dans le troisième verset. Elle se trouve dans le troisième verset de sourate Les Groupes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant des polythéistes: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, ceux qui adoptent des maîtres en dehors de lui disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, dans ce verset, il nous dit que les polythéistes ont pris des alliés en dehors d'Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne leur but et leur objectif dans cela. Donc regardons si leur but et leur objectif étaient nobles ou non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne qu'ils ont pris des alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils les rapprochent d'Allah. Pour qu'ils les rapprochent d'Allah. Pour qu'ils soient comptés parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de doute que si on demande à quelqu'un, est-ce que ce but-là est noble? Il va te dire na'am, bien sûr. Ce but-là est certes noble. Et beaucoup de monde parmi les musulmans ont ce but-là, c'est-à-dire être considérés comme faire partie des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que leur but était noble. Mais est-ce que c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur action et a agréé leur action et leur méthodologie et leur manière de faire? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répond à la fin de ce verset et il dit Inna Allaha yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, Allah jugera entre eux leurs différends. Au jour de la résurrection, Allah ne guide pas celui qui ment sur lui et renie ses versets. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'il a dit d'eux. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement que ce sont des mécréants et que ce sont des polythéistes. Pourtant, leur but est noble. Donc, on comprend de cela, comme les savants de la sunna l'ont mentionné dans leur livre, que la fin ne justifie pas les moyens. En tant que parent, si tu as un objectif, un but pour ton enfant, il est impératif pour toi d'utiliser des moyens qui sont légiférés pour atteindre ses buts et pour atteindre aussi ses objectifs. Et concernant les biens, nous remarquons qu'ils détournent certaines personnes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils courent après les biens en pensant que c'est comme cela qu'ils vont trouver la gaieté du cœur et l'apaisement. Alors qu'en vérité, la gaieté du cœur, l'apaisement se trouve dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce bonheur, cette gaieté du cœur ne se trouve pas dans l'argent. Ne pense pas que ceux qui ont de l'argent et qui sont loin de la religion sont heureux et apaisés. Ne pense pas cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran. Médite avec moi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Taha. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui s'écarte de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Pour comprendre et pour méditer sur ce verset, il faut revenir à l'explication des gens de science. Il faut revenir à l'explication des mufassirin, de ceux qui ont expliqué le Coran. Donc les savants du tafsir, ils mentionnent que cette personne qui s'écarte du rappel d'Allah mène une vie pleine de gêne, c'est-à-dire qu'il n'est pas apaisé. Il est atteint par l'anxiété et le chagrin, même si en apparence, écoutez ce qu'ils disent, même si en apparence, tu penses qu'il fait partie des gens qui sont heureux. Subhanallah. C'est-à-dire que lorsque tu le vois, tu penses qu'il est heureux, qu'il est apaisé, car il a beaucoup d'argent. Mais en vérité, il est anxieux. Mais en vérité, il est triste. Et beaucoup de personnes qui se sont converties à l'islam et qui avaient de l'argent, qui avaient des biens, qui avaient des voitures, qui avaient tout ce genre de choses, il leur manquait quelque chose. Et ils trouvaient dans leur cœur cette anxiété et ce chagrin. Et lorsqu'ils ont embrassé l'islam, et lorsqu'ils ont dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah », cette chose est partie. Cette chose est partie. Pourtant, cette anxiété et ce chagrin est resté avec eux de bon nombre d'années. Ils sont même peut-être partis voir des psychologues ou des psychiatres sans trouver le remède. Mais lorsqu'ils ont embrassé la religion de l'islam et lorsqu'ils se sont soumis au Créateur, certes, cette anxiété est partie. Le deuxième enseignement de cette parabole, c'est que les actions des mécréants sont vaines, quoi qu'ils fassent comme action. Et ceci nous montre l'importance du tawhid. Ceci nous montre l'importance du tawhid, c'est-à-dire l'importance de l'unicité. Car celui, même s'il est musulman, qu'il œuvre sans le tawhid, il n'y aura pas de différence entre ses actions et les actions des mécréants. Il n'y aura pas de différence entre ses actions et les actions du mécréant. Ensuite, le troisième enseignement qu'on tire de cette parabole, c'est que tout malheur qui nous touche, cela est dû à nos péchés. Tout malheur qui nous touche est dû à nos péchés. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de cette parabole, qu'est-ce qu'il a dit ? Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Allah n'a pas été injuste envers eux, mais ils se sont fait tort à eux-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans d'autres versets du Coran. Par exemple, prenez le verset 30 de Sourate Shura, donc Sourate la consultation. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vous avez commis comme péché, et il en pardonne beaucoup. Donc ça nous montre que lorsqu'un malheur nous frappe, lorsqu'un malheur nous touche, ceci est dû à nos péchés, comme Allah l'a mentionné dans ce verset, et aussi comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran, notamment dans le verset 30 de Sourate Shura, Sourate la consultation. Donc avec ça, on a fini l'explication de cette parabole, et aussi on a mentionné par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala certains enseignements. Donc Inch'Allah on continuera l'explication des paraboles du Coran lundi, d'accord, car les cours c'est du lundi au vendredi. Donc bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, concernant demain, il y aura les cours toujours du frère Abu Abdurrahman al-Tunisi wafaqahullah, et le samedi il y aura le frère Abdullah Abu Ibrahim, d'accord, du site Al-Naseha, wa faqahullah li kulli khair, aussi qui aura un cours, et dimanche, ça sera Abu Abdurrahman et le frère Omar, Abu Saouda, Inch'Allah ta'ala, donc à 22h, heure de France. Wallahu al-musta'an wa bihi at-tuklan, subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.